dans un linceul. Je sais pas qui pleura pour moi, qui ouvrira sa gueule. J'écris pour exister, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais pour me faire entendre, jamais je serai prête à m'exhiber. Je sais pas ce que vaut la vie, mais après toute cette trahison, je sais ce que vaut l'ami. Et je sais tout ce que t'as dit, ma réussite en Paris. J'ai pas donné le monde pour atterrir toute seule sur Paris. L'amour chez vous ça varie, quand y'a du zeil c'est cool. Mais quand les poches se vident, quand tout à coup y'a plus de move, je rentrerai jamais dans le moule. Car pour faire tomber les quilles, faut bien lancer la boule et faut bien faire valser la vie. Alors viens on danse ma belle, l'hypocrisie c'est à l'appel. Et au lieu d'enfoncer, arrête de creuser et lâche la pelle. Et au lieu d'enfoncer, est compliqué depuis le début. Célébrité et revue, je l'ai dit dans ma life et je leur dirai plus clair qu'un début. Si j'écrivais rebout, mes mots dépasseraient l'entendement et je retournerai au début. Quand tout a commencé, quand j'ai dû compenser l'amour de mes proches contre une poignée de